Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'aimerais aujourd'hui donner un tambih nasiha par rapport à un sujet important qui est très très très répandu chez les non-arabophones et tout particulièrement plutôt chez ceux qui ont la langue arabe, mathalan, mais qui n'ont pas étudié les masal al-ilmiya. Ils connaissent la langue arabe, du vocabulaire, ils connaissent le sens de certaines phrases dans leur apparent, le côté linguistique, mais ils n'ont pas les définitions et les sens légiférés. Car il faut savoir une chose, comme on l'a pris dans l'Ilm al-Usul, que les akhbar, c'est-à-dire les paroles que l'on emploie en langue arabe, dans le din, elles sont de trois catégories. Il y a celle qui est, on va dire la haqiqa, la réalité, elle est de trois sortes. Il y a celle qui est légiférée, c'est-à-dire qu'un mot, il aura un sens particulier dans la législation. Il y a celles qui sont qui ont un sens linguistique, c'est-à-dire qui est connu au niveau de la langue arabe de façon générale. Et il y a la haqiqa, la réalité, celle qui est liée au urf, c'est-à-dire aux coutumes des gens. Lorsque les gens s'expriment, ils emploient certains mots. Dans leur coutume, ce mot-là veut dire une chose particulière. Et ce sens peut différer dans le sens linguistique, il peut différer dans le sens légiféré. À titre d'exemple, salat. La salat, dans, par exemple la salat, comme cela va venir le sujet d'ailleurs également dans cette nasiha, la salat, masalan, en langue arabe, l'oraten, comme yukol, en ce qui concerne les fils d'Adam, c'est bimana ad-du'a, ou at-tadarru'a. Ad-du'a, c'est l'invocation. D'accord ? Tadarru'a, l'invocation. Par exemple, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il est venu, il disait « Douaya hadukum il-walima wa wassaim fal-yadou ». Dans le hadith, il dit que celui qui est invité à une walima, à un repas de noces, à la base, doit y répondre. Et si jamais il jeûne, par exemple, fal-yusalli afon, j'ai dit yadou, fal-yusalli. Yakul fal-yusalli. Fal-yusalli, là, il emploie le verbe de salla-yusalli, qui veut dire à la base, fala salat, en apparent, parce qu'on ne connaît pas le sens. Et là, fal-yusalli, ça veut dire qu'il invoque. C'est-à-dire qu'il fasse dora pour celui qui l'aura invité. En s'excusant, il fait un dora pour lui. Donc quelqu'un qui ne connaît pas ce sens-là, il va dire fal-yusalli, c'est-à-dire si on l'invite pour une walima et qu'il jeûne, qu'il fasse salat. C'est pas ça le sens. Là, le sens qu'il a voulu, c'est le sens littéraire. Après, on a le sens légiféré de la salat. Qui est-ce que vous savez? Qui est ce rite que l'on accomplit en des temps particuliers, qui commence par le takbir, d'accord, qui a le qiyam, qirat al-fatiha, le recours, et qui se finit par le taslim. Ça, c'est le sens légiféré de la salat. En ce qui touche les fils d'Adam. Même les fils d'Adam. Et ce sens-là de la salat peut différer même en fonction de ce qu'ils accomplissent. Par exemple, les anges, la salat des anges n'est pas celle des fils d'Adam. Comme a dit le hadith, Sahih, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma'adama fi majlisihi allazi salla fihi yaquluna allahumma ighfir lahu allahumma irhamhu. Que les anges font, dans le hadith, font la salat sur l'un d'entre vous tant qu'il reste dans le lieu où il a fait la salat. Et qu'ils disent, oh Allah, pardonne-lui, oh Allah, fais-lui miséricorde. Donc la salat des anges sur les hommes, c'est l'istighfar, la demande de pardon. Et c'est un doa, de toute façon. Ça reste un doa. Ils invoquent Allah Azzawajal qui pardonne cet homme-là. Tayyib, et là, pour revenir au shahid, là où je veux en venir, c'est la salat d'Allah Azzawajal. Lorsqu'on dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou lorsqu'on dit par exemple dans une muqaddima, dans les kutub, mathalan, lorsqu'on cite Ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida, mathalan. D'accord, lorsqu'on cite l'attestation et ensuite on dit sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Par rapport à ça, beaucoup de gens se trompent dans la traduction. Déjà moi là-bas, ces termes-là, dans les muqaddima ou autres, j'opte plus pour les laisser telles qu'elles sont en arabe. À force de les répéter, les gens les comprennent et les apprennent par cœur. Ça c'est ma'arouf, à force de l'entendre comme la khutbah del Hajja, dans la khutbah del Jumu'ah, à d'autres occasions, plein de gens qui parlent pas l'arabe, à force de l'avoir entendu, la connaissent par cœur. Donc c'est anfa que de la traduire. Maintenant on peut l'expliquer à quelqu'un, ça veut dire telle et telle chose, mais la traduire à chaque fois, ça c'est une lourdeur et c'est une chose qui peut amener à l'erreur, comme cela va suivre. Donc souvent les gens, lorsqu'ils disent sallallahu alayhi wa sallam, ils traduisent que les prières d'Allah et son salut soient sur son messager. Et ça, c'est une erreur. C'est une très, très grave erreur. Car ça amène à dire que la prière est parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que Allah il fait la prière. Et la prière, on a expliqué, dans le sens linguistique, c'est une demande, c'est un do, une vocation. Allah n'invoque pas. Sûrement pas Allah ou Al-Ghani. Tamam. Allah yastani an kulli shay. Allah se passe de toutes choses. Allah ou Al-Ghani ou Antum al-Fuqara. Allah est le riche de la richesse infinie et c'est vous qui êtes les pauvres. Donc Allah ta'ala, wad'uni yastajib lakum. Invoquez-moi, je vous répondrai. Donc c'est Allah qu'on invoque, ce n'est pas lui qui invoque. Si on met le sens prière. Et si on prend au sens légiféré de la salat, Allah ne fait pas la salat. Sûrement pas. Cette salat-là, elle nous est propre à nous. Même les malaïka, cette salat-là, comme l'on la connaît au sens légiféré, les malaïka ne la font pas. Comme nous, nous la faisons, on n'a pas de dalil. D'accord ? On n'a pas de dalil. Dans le hadith qui est venu, qu'on a cité précédemment, c'est un sens d'invocation d'istighfar particulier. Donc maintenant, lorsqu'on voit sallallahu alayhi wa sallam, que veut dire sallah à ce moment-là ? On ne va pas te dire par prier. Sûrement pas. Donc là, c'est venu dans un athar. Dans un athar de Abu Aliya, comme l'a rapporté l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala, que le sens de la salat à ce moment-là, c'est salatullah ala rasulihi, sana'uhu alayhi indel malaika. C'est que Allah azawajal fait son éloge auprès des anges. Voilà le sens de la salat. Donc à ce moment-là, est-il permis de traduire prière ou invocation ou ce qui ressemble en français? Non. Car les ulama le stipulent bien. Comme vous pouvez trouver dans les kutub de Usul Tafsir, de Cheikh Al-Thaymin, de Cheikh Al-Islam Taymiyyah, ils disent qu'on ne traduit pas. On ne traduit pas de l'arabe de mot textuellement ou mot à mot, mais on traduit le sens. On traduit par le sens. Un exemple de cela, vous le savez très bien, Shahada. La ilaha illallah. Le fait de dire La ilaha illallah. Si on traduit La ilaha illallah, ça veut dire nulle divinité en dehors d'Allah. Est-ce que ce sens est correct? Le sens, il est incorrect. Il est facile, il est défectueux. Et le sens de La ilaha illallah, c'est La ma'bouda bihaq illallah. Nulle divinité digne d'être adorée, ce n'est Allah. C'est comme ça qu'on va le traduire. On n'a pas le droit de le traduire par le sens textuel, tel que le mot est venu mot à mot, car cela aura un sens faux. D'ailleurs, une fatwa de Cheikh Abdelhamid, qui sera bientôt mis sur le site, Inch'Allah, qui stipule cela. Donc en arabe, on traduit le sens et non pas le texte en lui-même. Maintenant, si le texte correspond avec le sens comme en français, il n'y a pas de problème. Si on fait attention. Donc souvent, ça c'est un tambih pour ceux qui prennent leur dîn, de ceux qui traduisent et qui n'ont pas appris leur religion, des erreurs comme ça, vous en trouvez beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils traduisent du mot à mot sans connaître le vrai sens. S'il s'agit d'un sens, d'une haqiqa, shad'iyya, d'un sens légiféré qu'il faut mettre, ou est-ce que c'est un sens qui est lié à la langue arabe, ou est-ce que c'est un sens qui est aux coutumes des gens. Ils ne savent pas, ils n'arrivent pas à distinguer en général. Donc ils traduisent n'importe comment. C'est comme un autre exemple, lorsqu'on voit dans en Amukaddima, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parlait, ou que les ulama parlent, ils font leur khutab, ou al-zalika, ils disent amma ba'd. Amma ba'd. Les gens traduisent et ensuite. Ça ne veut pas dire cela, sûrement pas. Les ulama nous expliquaient, c'est un sens linguistique, c'est wa mahma yakun min shay. C'est-à-dire, ça traduirait plutôt par quoi qu'il advienne, dans ce sens-là. Eux, ils voient ba'd, parce qu'à la base, ba'd, ça veut dire après, ensuite. C'est un zorf qui peut être zemen ou meken. Et les gens prennent cela en apparence, ils ne savent pas qu'il y a un irlob derrière, qu'il y a une analyse grammaticale à faire, et ils traduisent n'importe comment. Et après, les gens, ils répètent tout cela. Attention, on n'est pas infaillible, même à nous, ça nous est parfois arrivé de traduire des choses de façon coutumière, des choses qu'on a vues auparavant en français, on l'a dit directement. C'était une erreur. Personne n'est infaillible. D'accord ? Mais on évite que ça recommence, que ça se reproduise, on prend erreur. On prend le son des erreurs passées. Mais t'en as, d'accord, qui se sont lancés dans la traduction, et particulièrement dans la da'wah, et qui n'ont pas appris la langue arabe, ou plutôt qui n'ont pas appris le dîn auprès des gens aptes à leur enseigner, donc ils traduisent n'importe comment. Et encore plus grave, ceux qui n'ont même pas appris la langue arabe, qui font da'wah, et qui ont dans le domaine qu'ils ne maîtrisent pas. Là, c'est le tambih par rapport à ça, de faire attention aux traductions, et de faire attention aux traducteurs. Et que se dire traducteur fort en langue arabe ne suffit pas. Car il peut être fort en langue arabe et être très mauvais en aqidah. Les plus grands imams de la langue arabe, en général, étaient des gens déviés. Il faut le savoir, ça. Maintenant, on ne dit pas qu'il ne faut pas apprendre la langue arabe. La langue arabe, elle est primordiale pour apprendre la religion. D'accord ? Mais se concentrer sur la langue arabe seulement, ne pas avoir connaître la aqidah, le menhaj, ne pas avoir connaître même le fiqh, ou tout ce qui s'y rapporte, ça amènera à faire des traductions qui sont défectueuses, qui vont induire les gens en erreur. Les gens pourront peut-être après tomber dans des bidards, dans des égarements à cause d'une traduction. Donc attention à cela, c'était le tambi que je voulais faire aujourd'hui par rapport à ça. Walhamdulillah.